éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Simone de Beauvoir, une femme qui a profondément changé la place des femmes dans la société et la manière dont on comprend leur liberté. Elle est née le 9 janvier 1908 à Paris, dans un milieu catholique et bourgeois. Son éducation est stricte, marquée par les valeurs traditionnelles. Dans ce contexte, une jeune fille est surtout destinée au mariage et à la maternité. Pourtant, très tôt, Simone de Beauvoir décide qu'elle ne vivra pas selon ce modèle. Élève brillante, elle poursuit des études de philosophie alors que peu de femmes accèdent à l'enseignement supérieur. Elle réussit l'agrégation et devient professeure. Travailler, penser, écrire, c'est déjà une manière d'affirmer son indépendance. En rupture avec son milieu social d'origine, elle défend toute sa vie son autonomie face aux conventions. Elle refuse le mariage traditionnel, choisit une relation libre avec Jean-Paul Sartre et décide de ne pas avoir d'enfants. À une époque où la maternité et le travail ménager sont considérés comme le destin presque naturel des femmes, ce choix est profondément révoltant. Elle cherche à échapper aux contraintes liées à la condition féminine pour construire une existence fondée sur sa liberté intellectuelle et personnelle. En 1949, elle publie Le Deuxième Sexe, un livre qui a marqué son époque. Elle y écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Par cette phrase, elle affirme que les inégalités entre les sexes ne sont pas naturelles mais construites par la société. Elle analyse l'éducation, la religion, la famille, le travail et montre comment les femmes sont enfermées dans un rôle dès l'enfance. Le livre provoque un scandale mais il devient un texte fondateur du féminisme moderne. Grâce à Simone de Beauvoir, des générations de femmes prennent conscience qu'elles peuvent vivre librement, même quand la société attend autre chose. Simone de Beauvoir n'a pas seulement écrit sur la liberté, elle a tenté de la vivre pleinement en refusant les normes de son époque.